sorcier, magicienne et mage pourraient se la même chose. Et en réalité, non. Un sorcier, ça c'est quelqu'un qui fait de la magie. Mais cette magie est toujours nocive. Il sépare les gens, il rend malade, ainsi malheureux, ainsi de suite. Un sorcier ne peut pas faire de bien. Ça c'est clair. C'est classé, c'est déterminé. Tandis qu'un magicien, il peut encore une fois faire de bien vers certains et punir d'autres. Donc, il mélange. Tantôt il fait du bien, tantôt il fait du mal. Mais un mage, ça c'est différent. C'est un être de la lumière, de la bonté, de l'amour. Il construit, il prépare, il travaille, il crée, il ne fait jamais du mal. S'il se permet de faire du mal, il entre dans la catégorie des magiciens. Et s'il devient après tellement foncé, tellement déterminé pour le mal seulement, il devient un sorcier. Donc il ne faut pas mélanger. NRM, appelle-nous si tu veux des prods, fils. Shenzhen, je m'élève tout seul comme si j'étais mon propre fils. Interne, je vois en slow-mo, même s'il n'y a plus de lignes. Rock à une flotte, touche direct après une ligne. SO roi, je suis méga. Je prie pour ne pas finir avec une négasse. Méga, me suivez, je suis méga. Foufou, impossible que tu m'égages. J'ai dépassé négro comme une Sega. Tes techniques datent de 2001. Combien de necks je peux nourrir avec 2000 pains? Mafieux dans les bails comme Chirac et 2020. 2100, c'est la ligue des ondes. 432R, je trafique des ondes. Sur le deep web pour la livraison. Je m'arrête pas tant que j'ai pas au moins 10 maisons. Dans la cuisine, fonce car avec les ustensiles. Maison, école, le 6-7. D'Afrique pour fuck jusqu'en Chine. Squad. Dans l'eau, contre complote avec mes mages noirs. Mage noir, un complot avec mes mages noirs. Faut salir l'argent propre. Négro la sec cherche cash noir. Cash noir, négro la sec cherche cash noir. Comment contre complot avec mes mages noirs. Mage noir, complot avec mes mages noirs. Faut salir l'argent propre. Négro la sec cherche cash noir. Cash noir, négro la sec cherche cash noir. Un stratège comme Napoléon, j'ai gagné avant le début de la bataille. Regardez un négro comme un géant aveugle, je vois pas d'adversaire à ma taille. Trouve-moi à Dakar dans le carré, bitch. On est paré, bitch. Bouge pas de la place où je vais me carrer, bitch. Je cherche l'histoire comme Nico Robin. Galère, je pense que je vais me ralentir mes capacités psychomotrices. Salope, amène vite au lobby, shit au lobby. Meurtre de fin des temps, je distingue plus hommes et femmes. Je me sens comme beaucoup, petit. 6-7, on est beaucoup. Petit Seigneur, si je me sens comme beaucoup, petit 2015, c'est la FDP. SO, URL, Cinéco. En hiver, j'ai fumé 16 d'été. On va leur apprendre la vie comme un SVT. Petit, tellement élu. Négro, chaque jour, on est crucifère. Je suis bientôt une robe comme Ricky. Après la protonie, dans l'eau, contre complote avec mes mages noirs. Mage noir, un complot avec mes mages noirs. Faut salir l'argent propre. Négro la sec cherche cash noir. Cash noir, négro la sec cherche cash noir. Comment contre complot avec mes mages noirs. Mage noir, complot avec mes mages noirs. Faut salir l'argent propre. Négro la sec cherche cash noir. Cash noir, négro la sec cherche cash noir. Négro. Mage noir n'est pas sorcier. Quand on fait ça a l'air simple. Comme dans c'est pas sorcier. Tous les jours je fume le caca. Le soir mes manches m'en revenu de Dakar. Pour mes pyramides inversées sur la carte. Là pour les textiles comme Bernard Tapie. Galère, je prends le cas, je me retranche au bled avec M4K qui dégraine la merde, fume la nière dès que j'ai pas de paquis. Vos blasons dans le carnet, la mort en train de comploter avec sa norme. Bateau, pirate, fin des diables si tu les amènes à bord. Gaz au trait, je fume tellement d'essence, je devrais avoir ma station. La marge nord. Marge noire, un complot avec des marges noires. Sans salir d'argent propre, les gros la sec cherchent cash noir. Cash noir, les gros la sec cherchent cash noir.